jamais soit la race des enfants d'Israël. Chauveuse, on y passe la trace, les abreuvés de fiel. Maudit soit celui qui les guide, j'écraserai. Sa gorge aride, son frémir de pitié, son frémir de pitié. Maudit soit le sein de la femme qui lui donna le jour. Qu'enfin une compagne infâme trahisse son amour. Maudit soit le Dieu qu'il adore, ce Dieu son seul espoir, et dont ma haine insulte encore l'autel et le pouvoir. L'autel.